zapper sur toutes les chaînes. Changer les ondes de la radio. Toujours les mêmes images qui reviennent, toujours les mêmes mots. La couche d'ozone et la vache folle. Le réchauffement de la planète. Tous ces avions qui dégringolent, des gratte-ciels qui tombent en miel. Ce n'est pourtant pas un rêve. Si t'es pas protégé, tu fais l'amour et t'en crèves. La vie ne fait jamais de trêve. Ce n'est pourtant n'est pas un rêve. Si t'es pas protégé, tu fais l'amour et t'en crèves. La vie ne fait jamais de trêve. Tremblement de terre, inondation, navette explosant dans le ciel. Des lits qui coûtent des millions, des images presque irréelles. C'est le sida qui se propage, et tous ces virus inconnus. Un cancer qui frappe à tout âge, un AVC tombe dessus. Ce n'est pourtant n'est pas un rêve. Si t'es pas protégé, tu fais l'amour et t'en crèves. La vie ne fait jamais de trêve. Ce n'est pourtant n'est pas un rêve. Si t'es pas protégé, tu fais l'amour et t'en crèves. La vie ne fait jamais.